Tout ça, là, tu sais, la science que je te parlais, que je te dis que c'est des vieilles recettes qui marchent, pis tout, ça vient de bien plus loin que la Moyen Âge, je suis allé de l'Antiquité. Mais pourquoi que les Pythagoriciens y étaient persécutés? Tu sais, il y avait des cités-États, puis des cités-États, ben, c'était des pseudo-démocraties. C'est pas des démocraties comme nous autres, on l'entend, c'est un autre système que souvent faisait au moins le propriétaire terrien, pis tout, mais ils venaient à bout d'infiltrer le pouvoir puis prendre le contrôle des cités. C'est des sociétés initiatiques. Ça vient de l'Antiquité. Ça, c'est très, très vieux. Puis même jusqu'à un certain point, c'est lié au contact entre l'Occident et l'Orient. Jusqu'à un certain point. Puis la Méditerranée, c'est un peu le bassin des certains contacts. Il reste que c'est encore les mêmes affaires, c'est encore les mêmes choses, mais moi, je viens que je ne sais plus comment le transmettre ça. Parce que tu vas avoir deux types de personnes qui vont vouloir transmettre ça. Ceux qui font partie de ceux qui s'en servent, puis d'autres qui l'ont vu, puis qui ont contre-vérifié, puis bon. Mais il reste que j'ai jamais vu. Moi, je vois personne parler de ça. Moi, je veux dire franchement, le problème de notre société, de toutes les sociétés, puis le problème de ce qui se passe, c'est toutes des sectes. Pas des sectes dans le sens qu'ils partagent une croyance, des sectes au sens antique du terme. C'est-à-dire. C'est-à-dire c'est des groupes de personnes qui ont des intérêts communs, puis qui ont une science commune qui se transmettent, parce que justement, c'est initiatique. Puis des fois, ça fait très longtemps que ces affaires existent, ou bien ça va se transformer, tu as des groupes qui fusionnent, t'en as qui... mais c'est tout le temps là. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Il n'y a pas une seule société, à ce que je sache, qui n'a pas ces affaires-là. Que t'ailles en Chine, que t'ailles en Inde, que t'ailles... peu importe où tu vas trouver des affaires de même. Puis, c'est eux autres, au fond, qui ont la vraie, qui ont, je veux dire, les raisons de tous les problèmes. Je veux dire, c'est pas du monde spécialiste de créer des solutions ou créatif ou spécialiste. C'est des spécialistes du problème. Ben, ils ont C'est intérêt des à créer précis. des problèmes ordo ab chaos. Donc, tu crées du C'est désordre ça. pour dominer, puis eux autres, ils peuvent se présenter comme les sauveurs avec une science que les autres n'ont pas. C'est ça. Puis là, comme il y a des guerres entre ces différents groupes-là, ça se reflète sur la politique. Oui. Mais là, il y a eu des fusions à partir de certaines époques, suivant certaines guerres. La Première Guerre mondiale est extrêmement importante. C'est incroyable comment que ça a été bien plus que la deuxième. Pour toutes sortes de choses, de changements qu'il y a eu. Mais il reste que ces groupes-là, jusqu'à un certain point, là, il y a un monopole qui est occidental, de toute façon. C'est comme s'ils touchent au but, là. Même s'il y a des affaires, ils ont été obligés de reculer. Il y a des choses que j'ai vues, tu sais, je veux dire, si on est en retard un peu sur l'agent. Tu sais, l'affaire d'enlever les noms catholiques aux écoles, ce serait, aux dates qu'on est rendu là, ce serait supposé être déjà fait. Mais finalement, il y a tout le temps des imprévus. C'est pour ça, moi, à un moment donné, je compte sur des imprévus. Les imprévus sont mes amis. On approche. Tu sais, je veux On dire, c'est approche comme quoi là? ben, tu sais, je veux dire, David, c'est de plus en plus clair, tu trouves pas? C'est de plus en plus, je veux dire, tu sais, toutes les affaires qu'il osait pas dire il y a 20 ans, c'est-à-dire, il crie, je veux Oui, dire. ben on est.